Fer de gars, le show de radio. Voici Max Lalonde et Étienne Dano. Laissez-moi vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues à ce beau projet de radio qui est l'émission Affaires de gars. Je m'appelle Max Lalonde, content d'être là avec vous autres et avec mon chum Étienne Dano. Salut Étienne! Hey, bonne journée à tous et à toutes et un gros merci d'être là. Et aujourd'hui, Max, c'est drôle parce que dans notre show, il n'y a pas beaucoup de musique. Et aujourd'hui, notre sujet, ouais, c'est... la musique! Oh! On va parler de musique et là, je dois vous le dire, Étienne est un peu fébrile. Oui, oui. Étienne, un peu fébrile. Je suis vraiment nerveux de rencontrer notre invité d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, mais c'est rare parce que, tu sais, dans le domaine, on en croise beaucoup. Et ouais, là, t'es pas nerveux nécessairement de la même façon. T'es nerveux parce que je pense que tu l'aimes beaucoup, notre invité. Ben, je la trouve charmante. Hey, écoute, on va recevoir, on parle de musique. Ouais. Elle a été beaucoup dans l'actualité dernièrement. Son album s'en vient dans les prochaines semaines, son deuxième album. On va recevoir la belle et talentueuse Andréane A. Mallette. Elle va venir faire un tour dans la deuxième demi-heure de l'émission, parler un peu de musique avec elle, d'entrepreneuriat, parce que c'est une artiste indépendante qui est également musicienne, qui fait des spectacles, qui produit d'autres spectacles, qui est en train de créer un empire avec sa tournée Feu de camp, fait qu'on aura la chance de la rencontrer tantôt. Elle est très présente sur les médias sociaux, oui, elle s'implique beaucoup. C'est vraiment... En tout cas, on va laisser... lui laisser nous parler de ses projets d'avenir aussi qui sont très, très motivants, je pourrais dire. Oui, absolument. Puis, tu sais, dans... Ouais, je veux juste mon cahier. Oui, OK, parfait. Ouais, je voyais Max chercher de quoi. Cherchait de quoi, l'entendre. Il voulait son cahier. J'avais perdu mon cahier parce que c'est notre cahier d'autographe. On fait signer les gens qui viennent nous rejoindre ici en studio. Oui, on va parler de musique aujourd'hui parce que, bon, évidemment, c'est une émission à parler. Nous autres, on vous jase pendant une demi-heure, mais la musique est au cœur de nos vies. On va en parler un peu avec Andréane tantôt. La musique à la radio a beaucoup changé. Oui. Dans les dernières années, la façon d'écouter de la musique a beaucoup changé dans les dernières années. La vente d'albums au Québec a drastiquement baissé. Les dernières semaines, on a beaucoup parlé des quotas à la radio. Oui, des quotas à la radio. C'est géré par le CRTC, le Conseil des radios et radio et diffusion, télédiffusion canadienne, qui, eux, gèrent le quota de musique francophone à la radio, de musique canadienne également. Là, à tout ça, maintenant, en 2017, s'ajoutent les Spotify de ce monde, s'ajoutent les Napster qui a lancé tout ça dans le temps. Mais savais-tu, parce qu'on parle beaucoup de streaming, ta proportion d'écoute de musique, Étienne, je suis curieux, t'écoutes de la musique sur quelle plateforme? C'est des chansons qu'il y a dans mon téléphone que je branche quand je suis dans ma voiture. OK, téléphone. Ouais, des tunes sur iTunes que j'ai, okay, que j'ai acheté, je te dirais, où j'ai des CD que j'avais, que j'ai transférés. D'ailleurs, tous mes CD, je les ai donnés à un de mes amis. Est-ce que tu utilises les plateformes comme Spotify, ces trucs-là, Deezer? Non, moi je me fais mes propres listes. Aujourd'hui, je fais le plus pour écouter du Jean Leloup. Aujourd'hui, je fais le plus pour écouter du rap. Let's go, je mets un album ou deux ou random, DJ random. Parce qu'au niveau des chiffres, on dit qu'il y a 53%, puis là, c'est un sondage réalisé par Radio-Can qui date de cette année, 2017. Okay. 53% des gens qui écoutent de la musique le font à partir de leur téléphone. Donc, ouais, un peu comme toi sur iTunes. Ouais, ouais, ouais. Mais on dit que c'est 19% de plus qu'en 2015. Okay. Et que l'arrivée de Spotify, Deezer et de toutes ces plateformes-là d'écoute en ligne. Parce que Spotify, pour les gens de 50 ans et plus qui nous écoutent, mon père et ces gens-là. J'ai inscrit mon père à Spotify cette semaine. Oh, c'est vrai? Ah oui. J'ai essayé de lui montrer comment ça. Mais je suis vieux, moi aussi, je suis pas là-dessus. OK, mais Spotify, c'est une plateforme d'écoute en ligne, dans le fond, où il y a un paquet d'artistes et tu paies un frais par mois, puis là, tu as accès à toute leur bibliothèque musicale. Ouais. Un peu comme Apple Music. Une statistique que je trouve intéressante, parce qu'on parle beaucoup de partage des revenus. On veut que les artistes soient payés. Moi, j'imagine, t'en es un artiste, j'en suis un également, ouais, qu'il y a une partie de ton raisonnement qui veut encourager la musique. Quand t'achètes un album, oui, tu l'achètes parce que tu l'aimes, mais c'est un geste démocratique de dire... Moi, j'aime cet artiste-là, puis je veux l'encourager directement. Il doit avoir ça derrière aussi. Oui, oui, bien certain. Puis c'est ça pour bien des gens. Et on dit que l'arrivée des plateformes comme Spotify, iTunes et tout ça, ça fait baisser le piratage presque de 70%. Ouais, bonne nouvelle. Parce que Napster, c'était du piratage. Ces plateformes-là, tu trouvais de la musique ça, nous autres, gratuitement. Ouais. Sauf que on vit dans un monde aujourd'hui, on va en parler avec Andréane tantôt, où il y a des artistes qui viennent brasser le moule musical. Valère, leur dernier album, ils l'ont donné. Ouais. Notre album va être gratuit sur notre site web à telle heure, tel jour, téléchargez-le. Fait qu'à un moment donné, tu fais... Attends un peu, là. Il y a beaucoup de projets sur socio-financement aussi. Oui, beaucoup. Des Kickstarter. Moi, j'ai un groupe, qui se fait longtemps qu'il roule, mais il est un peu plus méconnu, il s'appelle WD-40. Oui, ben oui, moi, j'ai écouté ça quand j'étais au cégep. Et leur dernier album, ils ont décidé de revenir sur la track, puis ils ont dit, hey, on fait un Kickstarter, on ramasse temps, puis on va inviter les gens qui vont embarquer à notre lancement. Fait que t'as comme un petit privilège, des trucs comme ça. Puis il y a le chanteur aussi, François Lachance. Oui. François Lachance, ouais, qui avait sorti son album grâce à Kickstarter. Hey, parce que les frais, tu sais, d'un, mettons, un spectacle d'humour, oui, ça coûte cher. Un spectacle de musique, sont 5 sur la scène, il y a des instruments, il y a de la technique, tu sais, sans comparer les deux domaines, parce que c'est vraiment pas la même chose. Il y a plus de techniciens aussi. Au niveau des coûts en musique, aujourd'hui, être musicien, ça prend des sous, puis ça prend un fanbase, puis il y en a beaucoup de ça. Puis on va en parler avec Andréane tantôt, mais là, sur ce côté-là, entrepreneur, d'intéresser les gens à la musique. Est-ce que tu découvres beaucoup de nouveaux artistes ou tu as comme des classiques, puis tu écoutes ça majoritairement? De mon côté, un mélange des deux. Ouais. J'ai des classiques que je peux pas me passer dans mon cellulaire. Puis je suis très ouvert à écouter des nouveaux artistes, puis en entendre. Puis si tu me dis, on peut faire de la route. Souvent, c'est quand je fais de la route à quelqu'un. Même chose. Il me dit, hey, mets-moi qu'est-ce que t'écoutes? Ah, j'écoute cet album-là, c'est un ici. J'écoute une telle. J'ai découvert plein de chanteurs comme ça. Moi, je veux que tu me parles de ta fascination pour les trois accords. Je sais que tu capotes sur le mat. Ouais, OK, là, c'est un peu éveillé. Moi, de toute façon, c'est mon côté excessif. Quand j'embarque dans quelque chose, j'embarque à fond de train. Et j'étais, dans le temps, je faisais de la radio à CISM, la radio de l'Université de Montréal. Le gars qui s'occupe de la programmation musicale, et on faisait une émission d'humour dans le temps. Il y avait Billy Tellier, il y avait Nicolas Boucher, c'était bien drôle. Puis le gars, il me dit, hey, j'ai reçu un album, c'est un démo, c'est un groupe de Drummondville, c'est sûr que tu vas trouver ça drôle. Il m'a passé ça, c'était les trois accords. C'était leur démo dans le temps qui s'appelait Jaune-Brun, c'était ça le nom du démo. Jaune-Brun. Et en fait, on a joué à Hawaiian pendant un bout. Et après ça, il dit, hey, Étienne, t'as tellement trippé sur Hawaiian sur l'album, je te laisse choisir la deuxième tune qu'on va faire jouer à CISM. Okay. Des trois accords, et c'était Saskatchewan. C'était mon choix à moi. Et là, et quand c'est arrivé dans les radios populaires, c'était le même ordre. C'était Hawaiian, puis avant ça, c'était Saskatchewan. Fait que j'étais bien fier de ça. Et depuis, je suis toujours fan. Il y a déjà Simon, le chanteur, qui m'a déjà dit, je sais pas s'il s'en souvient, il était un peu chaud d'ail. Il m'a dit, je pense que t'es notre premier fan. Pour vrai? C'est ça qu'il avait dit. Ça m'a beaucoup touché. Je pense que j'ai vu 30 fois en show. 30 fois, est-ce que tu retrouves toujours le même plaisir à les revoir en show? Ouais, c'est clair. Surtout si je suis avec d'autres qui trippent et qui sont fans, je me défoule quand je les vois en show. Puis je pense qu'au fond de moi, avant d'être humoriste, j'aurais peut-être voulu être chanteur rock. Parce que tu joues de la guitare un peu. Ben non, mais ça, c'est rien. Là. Je joue pas de guitare, là, mais dans le sens que j'aurais aimé être une rock star. J'aimerais être une rock star. Ben oui. Puis le genre de tune que j'aurais chanté si j'étais une rockstar, c'est du Weezer ou des trois accords, c'est-à-dire des paroles drôles, des paroles niaiseuses, mais tout en étant sérieux dans la démarche musicale. Fait que mais on le retrouve un peu dans ta démarche artistique parce que tu fais souvent des tunes, on t'a entendu faire des tunes, puis il y a un fond en toi, t'aimes ça. Ouais, c'est ça, c'est mon petit côté caché. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de ma tune des douchebags sur YouTube. Sinon, il y en a une autre qui s'appelle Self. Je me suis amusé à faire des parodies dans le passé. Mais trois accords, j'ai toujours un attachement. Même que des fois, je dois leur faire peur, là, dire, OK, lui, il vient nous voir. Je suis déjà allé les voir avec Pierre Hébert à Alma, aller-retour. Aller-retour. On a dormi là-bas, là, mais notre seul et unique but, c'était de passer du temps entre amis en allant voir les trois accords. Puis les gars, quand on est arrivé après le spectacle, on a pris une bière avec eux autres, puis on dit, ah, fait que les gars, vous êtes en show où demain? Ou vous étiez en show où hier? Nulle part. On est venu vous voir. Puis là, ça leur a pris 4-5 fois pour qu'ils comprennent qu'on était venu juste les voir. Hey, c'est malade. Ils n'en revenaient pas. Fait qu'en tout cas, un peu trop crinqué des fois. Hey, ça va te faire du bien, on en écoute un petit bout les trois accords. Cette chanson-là est extraordinaire. Très drôle, c'est. Ouais, vraiment comique. Hey, Max, toi, moi, je suis déjà allé voir souvent, je suis monté à Alma, mais toi, t'es quand même monté à Roxborough pour aller voir Coldplay. À Foxborough, ouais. Foxborough, excuse-moi, Foxborough. Au stade des Pats. Écoute, moi, j'ai une fascination pour Coldplay, pour Chris Martin. Sais-tu ce qui me fascine? Vas-y. Coldplay, là, comme toutes les bandes sur la Terre, c'est des jeunes qui trippaient sur la musique, qui sont achetés des instruments, qui sont dit on se porte un band, qui ont commencé à jouer dans le garage chez quelqu'un. Des kids. Puis là, à un moment donné, dans ta courbe de vie, tu te ramasses à faire tous les plus grands amphithéâtres dans le monde. C'est fou. T'as des feux d'artifice. Écoute, ceux qui ont vu Head for the Dream, la dernière tournée de Coldplay, vous savez de quoi je parle. C'est indescriptible comme show de musique. C'est une expérience, c'est plus qu'un show de musique. Moment Factory, la firme de Montréal, est impliquée là-dedans. Quand tu rentres, on te donne un bracelet. qui a l'air d'un traceur pour pogner des prisonniers qui se sont sauvés. Tu t'accroches ça après le poignet. Okay. Et là, tu t'assois, puis tu prends une bière, puis t'es tranquille, puis Foxborough, puis je suis avec ma blonde, on passe une belle soirée, puis on jase. Là, mané, boum, les lumières se ferment. Là, hey, là, les lumières se ferment d'un spectacle. Tu fais « Oh, ça va commencer! » Tu sais, il y a une excitation. Puis là, ton bracelet allume. Mais c'est 72 000 bracelets d'une shop qui allument. Wow. Ça fait rouge, il y a des points partout. Là, mané, les lumières commencent à changer. Tu fais « Qu'est-ce qui se passe? » Là, il y a une vidéo qui part. Et le début de ce show-là de Coldplay, je te le dis, il y a de quoi dans ce show-là? Parce que dans la vidéo, on parle, il y a genre du monde à Berlin qui dit « Hey, c'est gars, on a vu le show de Coldplay, c'était malade. » Puis là, ils disent « From Berlin, we pass it on to Frankfurt. » Fait que là, « Frankfurt, we pass it on to Paris. » Fait que là, ils se promènent de ville en ville. Wow. Ils vont jusqu'à New York. Rendu à New York, il y a une autre vidéo avec la ville de New York. Puis là, c'est à l'écran avant que ça commence. Et tout le monde capote, tout le monde crie. Et là, le gars de New York dit « And from New York, we pass it on to Boston. » Là, la lumière s'allume. C'est toi, ça, Boston. Là, Chris Martin part à courir. Il arrive en plein milieu de la scène. Là, ça crie. Puis les bracelets allument. Les bracelets allument. Ça a juste comme pas de sens, ce moment-là. La musique. Le son, est-tu bon au stade des pattes? Écoute, le son est écœurant. Ah ouais? T'es en plein air, donc il y a cette... Puis de toute façon, avec l'argent qu'elle a dedans, je dirais la sonorisation, ça a juste pas de sens. Ouais. Ce spectacle-là, pour moi, c'est le... J'ai de la misère. C'est le meilleur spectacle que j'ai vu dans ma vie, pour plein de raisons, parce que j'étais avec ma blonde, c'était une soirée dont je vais me souvenir longtemps, parce que Moment Factory est impliqué là-dedans, puis c'est du monde de chez nous. Puis, écoute, il y a eu des affaires. Écoute, quand ils ont fait cette chanson-là ici, là, celle-là. « Something Just Like This », il y a tellement joué à la radio. Le sang d'en jouer un bout. Écoute, c'est carrément. Puis il s'est passé tellement d'affaires dans cette tournée-là. Je te dirais, il y a un bout, je me souviens plus c'est dans quelle ville, je pense que c'est à Détroit. Ma tune préférée à vie de Coldplay, c'est Everglow, qui est une chanson un petit peu slow au piano, qui est vraiment très, très bonne. Et il y a... Parce que la scène, c'est une longue scène, puis au bout de la scène, il y a comme un genre de gros rond qui est plus loin, entouré de gens. Et il y a un petit gars qui est à peu près 16-17 ans. Okay. Il y a une pancarte qui dit « Hey Chris, can I play Everglow with you? » Au piano. C'est à Détroit, ça? Je pense que c'est à Détroit. Et Chris Martin voit la pancarte. La vidéo a fait le tour. Vous irez voir ça sur YouTube. Chris Martin voit la pancarte puis il fait signe au kid, monte sur la scène. Il prend le kid, il monte sur la scène. Et t'es-tu capable de jouer ça? Donc là, le kid s'installe. Commence à jouer au piano. Et le kid joue Everglow au complet. D'habitude, c'est Chris Martin qui a joué. Fait qu'il commence à pianoter Everglow. Chris Martin chante la toune. Le jeune, là, t'es dans la salle. Je sais pas si t'as arrangé. Je sais pas si t'as arrangé avec le gars des vues, là. Ouais. Imagine le souvenir de ce jeune-là. Pour ces moments-là, c'est pour ça que la musique nous fait autant vibrer, je pense. Tu sais, ça, moi, cette chanson-là, je l'écoute, j'en ai des frissons. Je l'écoute, j'en ai des frissons. Ça n'a juste pas de sens. C'est une chanson qui est très, très... Moi, je suis un grand romantique pour la musique. J'écoute plein d'affaires tranquilles, la même piano dans mon auto. Puis... Oh, et facilement. Souvent, les chansons sont associées à des souvenirs qu'on a aussi. Ouais. C'est là qu'elle va venir nous chercher plus. J'écoute beaucoup les paroles. Je vais souvent prendre le temps d'aller sur un site de paroles, de lire les paroles de la chanson, de me retrouver dans des chansons. Tu sais, moi, Father and Son de Cat Stevens. Ça n'a pas de bon sens, cette chanson-là. Ça me pogne à toutes les fois. Moi, il y a des chansons. Moi, ma chanson préférée à vie, vas-y donc, c'est Hallelujah. Parce que Leonard Cohen, c'est un des plus grands artistes que le Québec a jamais connu, que la planète a jamais connu. J'ai jamais vu M. Cohen en show avant qu'il décède, malheureusement, ça me manque. Et cette chanson-là a été reprise à peu près 7 millions de fois. Ouais, ça n'a pas de sens. Hallelujah, mais il y a une version, c'est ma préférée à vie. Je sais que celle de Jeff Buckley est vraiment super bonne, mais Rufus Wainwright, qui est magistral, a fait Hallelujah avec un band, en fait, une chorale qui s'appelle Choir, Choir, Choir. C'est 1500 chanteurs avec Rufus Wainwright qui chante Alléluia. Écoutez bien ça. C'est la plus belle chanson que j'ai jamais écoutée. Regarde, tu l'arrêtes. Ok, on la laisse. Écœurant comme ça. C'est débile. Comme c'est juste en partant une chorale. Ah, écoute! Hein? Une chorale gospel, moi, je me rappelle, j'étais en voyage à New York il y a quelques années. Maintenant, je marche dans la rue, on est dimanche matin, on vient de finir de déjeuner. Il est 10h15, puis je vois une pancarte marquée « Gospel Choir starts in 15 minutes ». Je sais que ma copine de l'époque, je fais « Y vas-tu? » Un des plus beaux moments de ma vie. Dans un genre de dôme d'une église dans le Queens à New York, avec une chorale gospel, j'ai capoté. Je sais que toi, t'as deux tunes, une en français. Mais pour poursuivre sur les chorales... Ouais. Moi, j'ai déjà resté 2 ans à Laval, puis à 4 coins de rue de chez moi, c'était le mondial des chorales. Ah oui, c'est fourette. Ben oui. Et j'ai vu les 3 accords avec une chorale. Ça doit être... J'ai vu les Cowboys fringants. Wow. J'ai vu Styx. Dennis Young. Ben ouais, c'était malade. Moi, ça me fait pleurer. Moi, voir un show avec une chorale, même si je connais pas la chanson, juste parce que le fait qu'il y a autant de monde que ça qui chante. Ils ont des soutanes. Oui, oh, exact. Grégory Charles est pas loin. Mais c'est quoi toi la tune que mettons, je te donne le choix d'écouter une tune pour le restant de tes jours, ça serait laquelle? Et ça, c'est difficile. Là. Il y aurait plein de tunes de Jean Leloup que j'aimerais te nommer. Ouais. Il y aurait, si mettons, je reste ces 3 accords, Le Bureau du médecin, je l'adore. Okay. Mais sinon, je suis obligé d'y aller avec un des plus grands bands de l'histoire de la musique, U2, ouais. Avec la tune One. Je suis un grand fan de Québécois aussi, Max. Ouais. Je peux pas te nommer une tune québécoise, mais en même temps, j'en avais plein qui venaient en tête, comme j'ai dit tantôt, Jean Leloup. Il y aurait Paul Piché aussi, L'Escalier, ça c'est un classique. Les gens, j'en ai cherché une que j'aime énormément. Okay. Et que tu t'attends peut-être moins à ce que quelqu'un la sorte. C'est une tune de Dumas. Ouais. En partant, ça peut te surprendre. Moi, j'adore Dumas et c'est cette chanson-là. Si jamais vu de mémoire, le bonheur. Un gars tellement sympathique, du moins en plus. Il faudrait le recevoir. Hey, mais il faudrait s'arranger. On va le mettre. Mets ça dans nos notes là, de bouquet du To-do list. Ouais, to-do list. Non, le bonheur de Dumas. Et le show s'appelle Affaire de gars. Majoritairement, bon, là, depuis tantôt, on vous parle de chorale, puis de quand on a Brian, et puis de la musique. Mais il y a sûrement des bands que vous avez honte d'aimer. Tu sais, les filles, les gars, pensez, là, mettons, là, ton chum. Moi, j'ai un médium, il capote sur Justin Bieber. Lui, tout ce qu'il fait, il trouve ça bon, puis il aime ça, puis il l'écoute, puis il trouve ça bon, puis sa dernière sorry. Un gars dans la trentaine. Oh, un gars dans la trentaine. Too late, I'm sorry. Tu vois, ben oui, Il passe la tondeuse chez eux, c'est ça qu'il joue dans les oreilles de Justin Bieber. Okay. Moi, j'en ai une. J'ai un band, en fait. Je voulais pas aller à leur spectacle. J'ai été à leur spectacle pour faire plaisir à ma copine de l'époque. Je suis sorti de là, les deux bras tombés par terre, à quel point ces gars-là sont talentueux, puis ça n'a pas de bon sens. Ils ont donné un spectacle extraordinaire. Et j'ai pas pu aller à Québec quand ils sont venus dernièrement parce qu'ils ont rempli la place. Pas les Backstreet Boys. Écoute, moi, ça, là, c'est une de mes tunes préférées. Moi, là, secrètement, là, tu me passes ça dans un bar, m'a tapé du pied, c'est sûr. Je fais ça dans un karaoké. Tu vas chanter paroles aussi. Non, on fera pas ça dans les stands. Mais non, les Backstreet Boys, moi, tu sais, t'as un peu honte de l'aimer parce que c'est un boys band, ça s'adresse à des filles. Puis on a vu le succès qu'ils ont connu quand ils sont venus à Québec encore. Ouais, c'était fourette. Moi, je suis curieux de savoir, y a-tu ta toune que t'as honte d'aimer? Ah, y en a plusieurs, mais je te dirais... Moi, comme je t'ai dit, j'aime beaucoup le Québécois. Là. Michel Rivard, des fois, j'ai honte de l'aimer parce qu'on dirait que c'est plus un chanteur pour... Poète, ouais. Ouais, pour nos parents, puis il a chanté des ballades, puis tout. Puis tu t'attends pas à ce que moi qui tripe sur le sport, puis ils en font la même, j'aime Michel Rivard. Rivard. Mais sinon, il y en a un qui a fait beaucoup dans le Keten que j'aime, c'est Garou. Puis, Garou, il a sorti un album. Il s'appelle Rhythm and Blues and quelque chose. Je m'en souviens, c'est quoi le titre? Puis c'est plein de reprises dans même. Ça, c'est une toune de Black Keys. Ah oui, Lonely Boy. Hein? On écoute un mini-bot. Moi, j'avais été le voir dans un bar dans les Laurentides. Là. C'est un gros bar, là, le Bourbon... Le Bourbon Street. Le Bourbon Street. J'avais été le voir en show, là, Max. Et c'était un show bénéfice pour avancer de l'argent pour un hôpital. Et c'était malade. Et il a commencé le show, puis il a dit, « À soir, vous allez voir le vrai Garou. Il n'y aura pas de belles, il n'y aura pas de chansons. » Pas vrai. Il a dit, « Vous allez voir le vrai Garou. » Puis toute la soirée, il a joué des hits de même avec un band rock. Puis c'était un des meilleurs shows que j'ai vu de ma vie. Le Bourbon, t'as plein à craquer. Puis t'avais pas l'impression que lui, c'est Garou. Ou tu sortais du show, puis tu faisais, « Mange une marde, il nous fait croire. » Il nous fait croire. Il fait croire que c'est un crooner, mais en réalité, c'est un rocker. Ouais, exact. Mais c'est drôle parce que là, c'est quoi le nom de son band avec Corneille et Rock Voisine? Ah oui, oui. Les Forever Gentlemen, c'est ouais, ça? Oui, c'est ça exactement. Ça. C'est un band de crooner, puis c'est plus smooth un peu. Ouais. Hey, mais rapidement, on parle de Tune Kitten. Je vais t'en faire entendre une. Vas-y. Ça, là, t'es à côté au bar, tranquille, tu vas prendre une bière avec des chums. Là, il est comme 2h40, 2h45. C'est impossible que personne parte en faisant « Oh mon Dieu, c'est ma tune! » C'est ça, là, ici. Ah, c'est clair. Écoute, ça a tellement pas... Ça, là, « Cœur de loup » de Philippe Lafontaine. Un vieux classique. Ouais, mais quand on lit les paroles de ça, c'est pas... Non, c'est pas rose. Pas rose, là. « Cœur de loup » Mais... Parle-t-on tout lui dire? Parle-t-on tout lui dire? Mais c'est écoute, sûr que tout le monde, c'est sûr qu'il y a un paquet de filles qui vont se mettre à la chanter. Absolument, ça ou Cookie Dingler et Femmes Libérées. Ah oui. Ouais, écoute. Là, laisse pas tomber. Mais on est chanceux d'avoir cette belle culture musicale-là. Puis je sais que ça a fait beaucoup réagir dans les derniers temps. On a parlé beaucoup de quotas de musique à la radio. Oui. La radio est encore de plus en plus écoutée. C'est le domaine le plus facile et direct dans la mesure où on en a déjà parlé avec Caroline Proulx. Tu veux parler à ton animateur de télé, c'est compliqué. Tu veux parler à ton animateur de radio préféré, t'appelles en studio, tu nous écris sur Facebook, on va te répondre tout de suite. Puis on a encore ce rôle-là à la radio de faire découvrir les artistes. Puis c'est ce que je souhaite, moi, pour les prochaines années, qu'on soit capable d'ouvrir nos horizons un peu puis de sortir du carcan qu'on a présentement puis de mettre en onde des gens, des genres musicaux et des styles musicaux et des artistes qu'on n'entend pas à la radio. Tu sais, les Dead Obies, là, au Québec, c'est un groupe de hip-hop, de rap, qui chante en franglais. Au Festival d'été de Québec, il y a quelques années, on leur a donné une salle où on pouvait remplir à peu près 10 000 personnes. Ils ont refusé 4 000 personnes à la porte. Wow. C'est un des albums les plus vendus au Québec dernièrement. Puis, il devrait avoir de la place pour le hip-hop à la radio un petit peu plus parce qu'il y a des gens qui aiment ça, visiblement. Je suis d'accord. Des gens qui aiment ça, visiblement. À chaque semaine, tu nous présentes des signes, des tops ou une capsule humoristique. Et là, t'en as une, puis c'est en lien avec la musique. Moi, j'ai un émetteur, Max, qui se met dans des haut-parleurs. Okay. Et cet émetteur-là me dit quelle chanson joue le plus souvent dans les haut-parleurs d'une personnalité connue ou de quelqu'un. Alors, j'ai mis l'émetteur d'un gars qui ramasse beaucoup de filles sur Tinder. Et voici la tune qui joue le plus souvent dans ses haut-parleurs. On l'a fait croire à la fait que t'as compris le principe? J'ai compris le principe, c'est bon. OK, voici ce qui joue dans les haut-parleurs d'un vieux militant du Bloc québécois. Comme dans le temps, le monde vit mal. Oh, j'adore ça. Il y a beaucoup, dans les derniers temps, on a entendu beaucoup parler de corruption, d'enquête, même dans des postes de police. Bref, voici qui joue le plus souvent dans les enquêtes de corruption. Marie-Mé mentir. Moi, c'est vrai que ça a fait de l'actualité un peu dernièrement. Ah, mais ça. Voici ce qui joue dans les haut-parleurs d'un couple de la Beauce. Malgré son horaire très occupé, Pierre-Carl Péladeau prend le temps d'écouter de la musique et la tune qu'il préfère, c'est celle-là. Il n'a pas décroché. Hey, puis ça, là, c'est tellement bon, en plus, cette chanson-là. C'est l'excellent Patrice Michaud sur l'album Almanach. Je l'adore, ce gars. En spectacle, c'est un malade, pour vrai. Je l'ai vu deux fois en show. Il est drôle. Hey, il est drôle, il est fin, il est sympathique, il est charismatique. Puis, il va raconter un genre de conte ou une genre de petite légende. Puis là, tu vas dire, où c'est qu'il s'en va avec ça? Puis là, finalement, il part une toune, puis tu fais, OK, tout ça, c'était pour me dire que c'est de là qu'il est venu l'idée de faire cette chanson-là. C'est malade, en tout cas, il est excellent. Oui, absolument, puis c'est un gars qui est à découvrir. On va l'inviter, lui aussi. Avec, let's go. Non, on va mettre ça dans notre liste. Et ben, il faut y aller, parce qu'il faut s'arrêter dans les prochaines minutes, parce que notre invité est arrivé de l'autre côté de la vitre. J'ai été content, là. Oui. Juste le temps de vous dire d'aller faire un tour sur affairedegars.com, parce que toutes les émissions que vous avez manquées d'Affaires de gars sont là. Et vous allez pouvoir écouter Caroline Proulx, Luc Gélinas, tout ça. Puis je veux saluer Sylvio et toute l'équipe de nous laisser cette plateforme-là. On est sur Facebook également, Max Lalonde, Étienne Danneau. Vous allez pouvoir venir nous jaser, ça va nous faire plaisir. Ah, oui. Autres, on va se retrouver avec celle qui nous a... Ça se peut que tu l'aies déjà entendue à la radio, cette chanson-là. Veux-tu venir avec moi, on s'en va où tu veux. Est-ce que tu l'as pas entendu cette chanson-là en 2017 parce que t'étais pas au Québec? Non, ou t'habites en dessous d'une roche ou à Coudjouac. La belle Andréane Amalette s'en vient sur Affaires de gars. On s'arrête quelques instants, on revient. Merci tout le monde d'être avec nous autres, on revient, bougez pas. Affaires de gars te revient dans quelques instants. Reste là, tu peux pas manquer ça. De gars, le show de radio. Voici Max Lalonde et Étienne Danneau. On est de retour sur Affaires de gars. Merci tellement d'être là, tout le monde, de passer un moment avec nous autres dans ce beau projet-là. Et on parle de musique depuis tantôt. Et Étienne, je pense qu'on s'est gâté. On a parlé de nos goûts musicaux, ouais, un peu, puis de musique de gars et de musique de filles aussi. Mais on voulait pousser la discussion un peu plus loin, et ça nous prenait une artiste indépendante. On va se faire expliquer tout ça tantôt, mais c'est une amie à moi, puis c'est une fille qui est tellement talentueuse, puis tellement contente de la recevoir, mesdames, messieurs. T'as une minute. Moi, je veux juste dire, puis je ne l'ai pas dit à notre invité, ce que je vais dire là, c'est une des personnes que je trouve les plus charmantes, et je la trouve très jolie, fait que moi, je suis impressionné de la rencontrer aujourd'hui. OK, c'est alors, pour ça. Ouais, c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je dis pas un mot, puis je fais juste écouter, puis... parce qu'on s'est parlé avant de rentrer en onde. Oui. Fait que c'est ça. Mais je suis gêné. Là, je suis rouge comme une tomate. Tu sais qu'elle est là et qu'elle t'écoute, hein? Oui, je sais. Je voulais y dire en onde. Mesdames, messieurs, Andréane Amalette. Yeah! Yeah! Ça commence. Merci bien. Allô? Allô? Allô? Enchanté. Enchanté. Parce que t'es ami avec Max, mais nous, on se connaît pas. Fait que... Ben, on est amis. Instagram. Sociaux. Exactement. Instagram. Ouais, pis, ça compte. Ça compte. En 2017, ça compte. Merci. Absolument. Tellement, Andréane, de prendre du temps pour nous jaser. Ça me fait tellement plaisir de faire partie de votre affaire de gars. Oui, mais c'est un super beau projet, puis on reçoit du monde, puis on parle d'affaires tellement intéressantes. Puis ce qu'on voulait, c'est prendre des gens qui sont directement en lien avec le sujet du jour, puis avoir un peu leur feeling, puis leur input là-dessus. On va parler de musique avec toi, puis de nouveaux médias. Mais juste avant, tu t'es lancé dans un projet tellement cool dernièrement, ton prochain album. Absolument. Où tu as demandé aux gens de choisir les tunes de ton album. Raconte-nous un peu comment tu as fonctionné. Ben, moi, je me suis dit très simplement, cet album-là, c'est eux autres qui vont l'écouter parce que moi, bien honnêtement, je m'écoute pas tant que ça. Là. Ah non? présentement, oui, parce que j'écoute les mix de l'album, mais après ça, là, une fois que l'album sort, il est né, tu le laisses aller, puis c'est les autres qui l'écoutent. Fait que je voulais que ça soit représentatif de ce que les fans aiment. Fait que j'ai fait 3 shows interactifs à l'hiver 2017, puis j'ai joué mes 20 nouvelles chansons que j'avais écrites dans les dernières années, puis j'ai carrément laissé le choix au public. Il y avait à bonne franquette, là, une feuille, un crayon, que j'avais aiguisé moi-même d'ailleurs. ça a pris du temps. Puis ils votaient sur une échelle de 1 à 10 selon leur appréciation de la chanson. Puis après ça, j'ai fait des belles petites statistiques, puis ça m'a donné les 12 meilleurs. Est-ce que... c'est vraiment cool. Puis comment t'es venue l'idée de faire ce projet-là? Ça m'est venu... Écoute, moi, j'ai trop d'idées tout le temps. J'essaie Mais t'es entrepreneur à la base aussi. Ben, je dirais que je suis créative. Ouais. Puis j'ai des idées de création, de marketing et d'idées d'entrepreneuriat aussi. Ça s'arrête pas juste à la chanson. Fait que ça, c'était une idée que j'avais envie de pousser. Si je poussais toutes mes idées, là, ça serait vraiment du gros n'importe quoi. Mais celle-là, je la trouvais pas pire. Fait que j'ai foncé avec ça. J'ai loué 3 salles, Granby, Montréal, Québec. Puis j'ai lancé ça sur les réseaux sociaux. Puis là, tantôt, je sais que vous vouliez parler des réseaux sociaux, mais c'est fabuleux. fabuleux pour une artiste comme moi. Mais la réponse est exceptionnelle. Ben exactement, ça a été sold out partout et on peut rejoindre les gens directement avec Facebook. Je trouve ça magique. Mais y a-tu des chansons que tu as été surprise? Vraiment. Ouais. Déçu aussi. Ah ouais, okay. Parce que tu pensais que c'était un hit. Mais... Genre, ouais. Il y a une chanson que j'ai écrite comme une semaine avant parce que je voulais en avoir 20. J'aime bien les chiffrons, puis il m'en manquait une. J'avais aucune attente envers cette chanson-là. Puis elle s'est retrouvée quatrième de la liste, donc sur l'album. Puis il y en a une autre que j'aimais vraiment beaucoup, que je voulais qu'elle soit dessus. Et elle n'est pas là. Elle était comme 18. Là. Oh non, elle était la dernière en plus. Le choix discrétionnaire de faire « Ah, je l'aime vraiment, jamais quand même. » Ben, j'y ai pensé. J'ai dit « Je fais ça, tu sais. » Mais là, 18, elle était ben trop loin. Ah, OK. Ah, je comprends. T'sais, si ça avait été 13, j'aurais fait « Ah, tu sais. » Une tonne cachée. Ouais, c'est ça. Non, est-ce que les gens te laissaient des notes? Est-ce que les gens... Oui, ben c'est ça, il y avait la section commentaires, notes, okay. Puis je les ai toutes lues. Et sincèrement, là, c'était vraiment pertinent. Il y avait des commentaires sur les arrangements des chansons, sur l'ordre des chansons sur l'album. Le pacing, Le pacing. Ah, ouais. Beaucoup d'affaires vraiment cool. Puis ça m'a permis aussi de savoir un peu les attentes des fans par rapport à ces chansons-là. Puis j'ai essayé de les combler. Est-ce que tu penses que l'ordre dans lequel tu les as joués durant le spectacle ont influencé les gens? Peut-être. Ouais? Yes, ça, ouais, peut-être. Ouais. La première chanson du show que je faisais, qui s'appelle « Mon cœur », je ne l'aimais pas particulièrement, fait que je l'avais mis là. Je me suis dit « Ils ne s'en souviendront pas du show ». Puis je leur avais dit « Ah, oh, ça, c'est une 7 à peu près. T'sais, partez avec 6-7, puis après ça sera votre barème pour le reste ». Puis finalement, elle est sur l'album. Ah oh, ouais! Puis c'est rendu ma préférée. C'était celle que j'aimais le moins. Ça me tentait pas qu'elle soit là. On l'a arrangée tellement de façon cool que là, c'est vraiment ma préférée présentement. Ah, fait qu'il y avait raison. C'est un projet qui est tellement intéressant. Là, t'es dans la production, la création de l'album. T'es en plein dedans. T'es deux mains dedans. Là. Absolument. Là, on vient de terminer tout ce qui est le visuel. Là, il reste à peaufiner l'enregistrement en tant que tel. On devrait avoir fini cette semaine ou la semaine prochaine. Puis après ça, ben ça sort. Puis c'est le lancement. Puis les fans qui ont participé aux trois spectacles, dans le fond, sont fans VIP. Ouais. Donc, ils ont l'album gratuitement. Ils ont une invitation pour le lancement. Puis plein de privilèges. Fait qu'on va être une belle gang au lancement. C'est très cool. Ah, tu sais, dans une industrie, tu parlais tantôt de marketing. En musique, aujourd'hui, tu peux plus juste être un musicien. Il faut que tu sois un peu ou que tu passes par d'autres alternatives de création, de proposition de matériel pour rejoindre les gens. Absolument. En musique, mais comme dans n'importe quelle entreprise aussi, je pense que d'essayer aujourd'hui de vendre un produit, c'est impossible. Il faut que tu vendes une expérience. Il faut que tu vendes quelque chose de particulier. Puis je pense qu'avec les shows interactifs, c'est un peu ça que j'ai fait. Avec la tournée Feu de camp aussi que j'ai produit l'été passé, puis cet été, c'est ça que j'essaie de faire. C'est pas une idée simplement business-wise. C'est vraiment aussi dans le but de rapprocher les gens, d'aller rechercher un contact humain que je trouve qu'on perd beaucoup. Là. Ça fait 10 ans que je suis à Montréal, puis j'ai l'impression d'être seule au monde alors qu'on est tous, on est des milliers, là. Vous êtes beaucoup à faire ça, mais oui. Non, je veux dire, on est beaucoup d'humains qui se parlent pas. Oui, oui, moi je comprends. Puis je trouve ça cool avec ce concept-là, justement, d'aller à la rencontre des gens, les shows interactifs, puis la tournée feu de camp. De rapprocher l'humain. Mais parlons-en de la tournée feu de camp. Ça, c'est malade. L'idée est partie de où? Ben, en rêve, en fait. Ah ouais, OK. C'est drôle, ça. J'ai plein d'idées en rêve. C'est parti aussi du fait que, bon, mon premier album, Bohème, était sorti depuis un bon moment. Qui est excellent, qui est un de mes préférés, by the way. Ah oui, mon Dieu, merci. La tournée était terminée, puis j'avais pas encore le deuxième album, donc je pouvais pas partir une autre tournée tout de suite. Je me retrouvais sans spectacle. Puis là, moi, je suis une fille des bois, fait que là, je passe de toute façon l'été au bord des feux de camp, des campings, je fais du surf. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable? Je vais en faire profiter des gens. Donc, j'ai lancé ça encore une fois sur Facebook, une annonce, un appel à tous. Parce que c'est devenu gros, là, Mané, tu sous-traitais même des choses, c'est même plutôt qui allait. Non, mais la première année, c'est seulement moi qui l'ai fait, puis je me suis rendu compte que le concept marchait tellement bien. Là, je vais expliquer le concept pour les gens qui ne connaissent pas la tournée Feu de camp. C'est une série de spectacles acoustiques autour des feux, donc dans les campings, chez les gens directement dans leur cour. Je peux t'appeler, j'ai mes chums, ma famille viennent cette semaine au chalet. Le chalet exactement. À Max, à Charlevoix, mettons. On fait un méchoui au chalet. Ben oui, tellement. Puis il y avait un minimum de personnes? Non, pas tout. Il y a du monde, il était 7, puis ils se sont payés à traite. Puis là, c'est une coupe de 100$. Tu pourrais acheter le show tout seul, Étienne, si tu veux, toi puis moi. Ça ne va pas, André? L'été prochain, je veux ton calendrier. Yes. Ces chèques sont dans le char. Ouais, on prend la carte de crédit. Non, mais c'est ça le show. Fait qu'il y a eu beaucoup de demandes la première année. J'ai rempli mon calendrier jeudi, vendredi, samedi, dimanche. C'est donc bien cool. J'ai fait 40 shows. Puis là, j'ai voulu en faire profiter d'autres artistes parce que je trouvais le concept tellement cool. Puis ça marchait bien. Donc cette année, t'as raison, je produisais la tournée Feu de camp. Puis là, j'ai envoyé François Lachance, David Paradis, Bette et Couturier faire la même tournée que moi. Y a-tu des moments weird? tournée festive. On en veut. C'est sûr que t'es débarqué chez des madames puis des messieurs qui ont fait genre... Très honnêtement, ouais. je trouve ça plate parce qu'il n'y a pas de moment weird tant que ça. Les gens sont gentils. Mais tu sais, ça dépend ce que tu appelles weird, mais on arrive... Mais l'endroit le plus bizarre où tu as joué, maintenant. Ou l'endroit le plus inusité où tu as joué. Mais je pense qu'un des plus bizarres, c'était la fois qu'il était 7. Ça, c'est particulier parce que c'est extrêmement intime. Ben oui. Puis s'il y en a un qui n'écoute pas, tu le vois, là. Puis s'il y en a 6 qui n'écoutent pas, c'est encore pire. Ça, c'était quelque chose... Puis ta playlist, ça ressemble à quoi? 60% mes compos, 40% des covers. Là, je faisais un peu comme les quotas radio. Là. Ouais. Je faisais des medleys. Ouais. Des classiques de feu de camp. Tu jouais-tu du harmonium ou quelque chose comme ça? Du beau dommage, du Jean Leloup, les colocs. Ouais. Un doux mélange de franco-anglo. Mais là, tu débarquais pas tout seul. Avec ma guitariste, je lui dis. Ouais, c'est ça. T'étais quand même. Moi, j'étais un gars, puis j'aurais eu peur des fois de débarquer chez des gens. Je disais, t'as des gros pipes. Non, mais deux, c'est déjà plus rassurant. Tu sais, tu débarques d'une place tout seul, puis ils font genre, hey, on t'a préparé ça, puis t'as une chambre si tu veux rester à coucher, puis là, tu sais, t'as des confitures, puis là, tu fais, ouais, non, moi, je venais jouer mes tunes. Hey, mais des confitures, j'en ai reçu plein, qui sont vraiment bonnes. Oui. Puis est-ce que t'es allé loin? Je sais que t'as joué un peu partout au Québec. Le plus loin qu'on est allé, c'est au Saguenay. Ça a été vraiment cool. Mais je te dirais, l'affaire la plus drôle qui est arrivée, c'est on était chez une dame, puis c'était la fête de Lorraine, qu'elle s'appelait. Puis Lorraine est arrivée après tout le monde pour la surprise. Puis là, sa sœur, il a dit, « Regarde, Lorraine, c'est ça ta surprise? » Puis là, moi, je sortais de la maison, puis en m'approchant d'elle, quand elle m'a reconnue, elle m'a dit, « Va donc chier! » Puis ça a été l'accueil. C'était positif, son « va donc chier? » Oui, exactement. Okay, c'était un beau « va donc chier », mais j'ai dit, « Toi, va chier. » Non, c'est pas vrai. Ah, mais tu sais, puis est-ce que là, le futur de la tournée Feu de camp, c'est quoi? Est-ce que tu recommences? Le futur de la tournée Feu de camp, c'est de structurer ça pour avoir des employés. L'année prochaine, je suis rendue là. C'est trop gros, là, pour l'instant, pour moi toute seule. Je dors peu. Parce qu'on reçoit énormément de messages. C'est pas tous les messages qu'on reçoit qui aboutissent à un spectacle, mais j'en reçois de, tu sais, 300 de la shot en début de saison, là. Fait que ça là, t'as l'album en plus là-dedans qui rentre dans... Comment? Il y avait de la demande? Ben oui. C'est ça que ça veut dire, dans le sens que tout c'est sorti de nulle part, mais là, tu t'aperçois que il y a de la demande. Exactement. Moi, je suis déjà allé faire des shows du monde dans des campings. Ouais. Puis à chaque fois, je leur ai dit, vous seriez bien mieux qu'un chanteur. Là. Ouais, mais on a déjà fait venir des chanteurs. Là, de temps en temps, avec de l'humour, mais tu sais, là, t'imagines, tu fais un gros feu puis tu joues. Ben, en fait, tu dois pas être toujours joué alentour d'un feu. Il y a pas mal tout le temps un feu, sauf quand on joue en dedans ou certaines conditions qui font qu'on ne peut pas en avoir. Mais souvent, un petit feu au milieu, un gros feu de joie un peu plus loin, on s'arrange pour qu'il y ait un feu de camp. Parce qu'après ça, on mange des guimauves puis là, on trippe. Mais c'est vraiment, c'est un beau projet. Puis c'est le fun de voir ça, de devoir te lancer justement. Parce que, tu sais, on l'a dit, bon, on t'a connu via les shows télé-réalité, Star Academy, tout ça. Il y a un après Star Academy où... Tu t'es devenu artiste indépendante, on le dit aujourd'hui, parce que t'as pas de maison de production. Non, c'est ça. Tu fais des trucs toi-même pour que les gens comprennent un artiste indépendant aujourd'hui. Décris-nous ta façon de travailler. Ou de... Un artiste indépendant, c'est quelqu'un qui est très cerné, qui dort peu. Ce qui est difficile présentement... Là, il faut que j'apprenne à déléguer, sincèrement. OK. Je suis super bien entourée. Il y a plein de gens qui m'aident, mais tout passe par moi tout le temps, ce qui fait en sorte que présentement, mettons, là, je suis avec vous autres, j'ai 2 heures de route aller-retour, ben une heure aller-retour à faire. Donc, le téléphone. Non, je peux pas. J'ai besoin de mon ordi. Fait que là, je perds, en étant artiste, je perds du temps d'entrepreneur. Donc là, là, je suis comme 95% entrepreneur, 5% artiste, mais j'aimerais ça être aussi plus artiste parce que c'est ça mon réel métier. Est-ce que t'aimes le côté entrepreneur quand même? Je l'adore, mais je passe énormément de temps derrière mon ordi et pendant ce temps-là, je ne compose pas ou là, je ne chante pas. Tu te sens coupable? Et là, quand tu... Non. Non, quand tu fais... Parce que moi aussi, je suis un artiste indépendant. Fait, moi, quand je fais des téléphones pour la business, entre guillemets, je me sens coupable de ne pas être en train de créer. Puis quand je crée, je me sens coupable de ne pas être en train de faire des cold calls pour me booker, des trucs comme ça. J'ai pas ça. Non? Okay. Mais tu fais du 95-5. Moi, je fais du 50-50. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'es plus équilibré. On n'a pas les mêmes quotas. Mais je suis cerné aussi, par exemple. Oui, c'est ça. L'équilibre dans les cernes. Ouais. Marc aussi est un artiste indépendant. Oui, c'est ça. Ben, on l'est tous, tu sais, C'est un domaine dans lequel je pense qu'on prend plaisir à ne plus avoir de boss. Puis on prend plaisir à prendre des décisions puis à voir que, Colin, si mes affaires marchent, c'est à cause de moi. Exactement. Ou si je me plante, c'est juste de ma faute puis j'ai personne à blâmer. Il y a ça aussi, tu sais, puis d'apprendre de nos erreurs. Moi, je trouve ça hyper motivant. J'ai une énorme liberté. La tournée Feu de camp, ça n'aurait pas vu le jour si j'avais eu quelqu'un au-dessus de moi. Puis tantôt tu disais je passe pas de temps à créer comme je te disais Maxime, je peux-tu t'appeler bon, c'est Max c'est... ou Max, c'est mon Maxime. Nom de radio. Hey, Maxime, fait... c'est ouais, je me demandais c'est si officiel, y a une quatrième hein? personne. Ouais, c'est ça, Max. J'ai jamais appelé Maxime. C'est mon ben, vas-y, Maxime. Vas-y, comme Maxime. Je te disais, c'est que l'entrepreneuriat, le marketing, j'aime ça créer. Ouais. Là, c'est une portion très créative pour moi aussi. Mais tu sais, ce qui est cool de ta carrière présentement, c'est que tu demeures quand même dans l'œil du public, même parce qu'il y a plein de gens qui sont devenus entrepreneurs, puis qu'à un moment donné, la machine est devenue tellement grosse qu'on n'a comme pas eu le choix de laisser ce qu'ils faisaient en tant qu'artiste pour gérer cette machine-là. Ouais. Puis là, de te voir sortir un album, moi, je trouve ça rassurant pour tes fans. Mm-hmm. Puis pour moi, j'ai hâte de l'entendre, cet album-là. J'ai entendu quelques chansons déjà. Moi, je suis la première personne ou à peu près à avoir oui, entendu Fou. C'est vrai. C'est-tu vrai? Il y a comme un an et demi. Genre. Ouais, il y a comme un an et demi, à ce moment-là, je travaillais à la radio dans les cantons de l'Est. Pendrant, t'es venu en entrevue. Puis on parlait de la tournée Feu de camp, je pense, ouais. pour cette entrevue-là. Puis on est rendu à 7-8 entrevues ensemble. Puis à un moment donné, je disais, ah, c'est le fun, t'as-tu un nouveau projet? Elle dit, ben justement, j'ai une toune, je pourrais te faire entendre. Puis moi, ça, là, entendre des nouvelles tounes, j'aime ça. C'est un moment de fébrilité cool. pour moi. Tout était là. Et on est allé en studio de production. Tu l'as entendu. J'ai entendu la première maquette, version, là, la ouais. maquette non mixée de Fou, qui est devenue la toune ouais. Au Québec pour l'année 2017. C'est extraordinaire le spin que la chanson fout. Tellement, c'est... j'en reviens pas encore. Quand tu l'avais dans les mains, est-ce que tu as cette switch-là, puis je la pose à toutes les gens, cette question-là. Je suis aussi de faire ça, c'est un hit. Cette chanson-là, ça, c'est un hit. Est-ce que tu l'as dans toi, ce feeling-là? Non. J'avais le feeling que j'avais. Là, moi, j'étais un petit peu ésotérique. Là. J'aime bien gros, j'ai une belle connexion avec l'univers. Okay, moi, ouais, on est jamais jamais les étoiles, puis tout. Mais la tournée Feu de camp et cette chanson-là ont été trouvées en rêve. La chanson pour a été vrai? Écrite en rêve. Ben et ça m'arrive jamais. Plein d'enfants en rêve. Je sais, c'est ça. C'est comme si. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui m'a envoyé de quoi là, l'année passée, puis qui a dit ça, puis ça, là, passe ça, puis ça va bien aller. Puis, fait que la chanson, je me suis réveillée, puis je l'avais enregistrée sur mon téléphone. Les mots étaient là, la mélodie était là. Wow! J'ai repillé les accords à la guitare, puis la chanson était là. Puis c'est une chanson qui parle de maladie mentale, d'un ouais. sujet qui mérite d'être discuté aujourd'hui, parce qu'il y a encore beaucoup de tabous alentour de ça. Puis ça a comme amené un. Ça a comme ouvert le débat, on dirait, parce que ta chanson ouais. a amené à des lignes ouvertes à la radio, puis à des émissions de télé, puis à plein de trucs. Fait que, ouais. tu sais, il y a eu une mission artistique autre que juste mettre une chanson en ondes pour tes fans. Aussi. Vraiment. Puis ça, j'essaie. Le premier album, souvent, c'est un journal intime, puis là, t'es bien centré sur toi-même, puis tu fais ouais. de la musique, puis là, tu le sors. Puis là, quand tu te rends compte que t'as un public après ça, puis qu'il y a des gens qui écoutent, tu fais comme, oh, t'as peur, j'ai une vitrine, il ouais. y a des je gens. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul, il y a des gens qui écoutent ça. Fait que là, c'est sûr que pour le deuxième album, j'ai essayé d'aller puiser dans des sujets peut-être plus intéressants, puis des choses plus pertinent, plus ben profonde, oui. si on veut. Puis ça, cette chanson-là, ben, ça sort d'une expérience vécue d'un ami à moi que j'ai juste qui a perdu la carte puis que j'ai pas su quoi faire. Là. Fait que c'est un peu un journal intime aussi, mais qui a probablement servi à des gens pour ouvrir la discussion, justement, comme tu disais. J'ai reçu des messages de gens qui me disaient « J'ai fait écouter ta chanson à mon conjoint, puis on a oh. pu en parler. » Wow, c'est vraiment le fun. Oui, ça rend ça utile. Cette chanson-là, Andréane, je te suis sur Instagram. D'accord. Et il y a quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Et tu avais mis « Lorsque ta chanson est devenue numéro 1 ouais. », elle était numéro 1 sur combien de radios Ben, je sais pas, elle était numéro 1 du top BDS là, qu'on ouais, appelle, puis numéro 1 de la disque pendant ouais. 16 semaines. Alors, sur Instagram, ouais. ça m'avait beaucoup marqué, j'avais qu'est-ce liké, que j'ai bien fait? Sûr. T'avais fait avoir une de mes chansons numéro 1 à la radio, check. Et oui. l'image, c'est ta bucket list, ouais. mais elle est en très gros plan. Fait qu'on sait pas voit trop. Les autres. Hein, non, mais la premièrement, c'est le numéro 21. Sur sa bucket list, c'est avoir un numéro 1 à la radio. Fait c'est juste il y a quand même 20 choses avant, 20 affaires. Ah, mais c'est pas en ordre de priorité nécessairement. Ah, OK, mais OK, mais tu sais. Il y a à peu près 70 affaires là, sur ma bucket okay, list. Là, OK, mais je vais te dire ce que je vois de 22, 23, 24. Je veux le savoir, OK? 22, sauver la vie. De là, quelqu'un. De quelqu'un? Ouais. Pas vrai, sur ta bucket list, t'as sauvé ouais. la vie de quelqu'un. Et il est coché. Il est coché. Ouais. C'est ça qui est il encore coché. Plus haute. Ben ouais. ouais. OK. Puis là, c'est quoi? Peux-tu le savoir? Ben, c'est plutôt personnel, mais c'est okay. une personne que je connais bien qui m'a dit à plusieurs reprises que je l'ai sauvé du suicide, en fait. Wow! OK, wow. Pour, ben, je rentrerai pas non, dans non, les non, détails, non, mais... Non, non, non, non, je vais enchaîner avec le prochain. C'est bon. Ouais. Le prochain, c'est vivre en bonne santé. Est-ce que tu physique l'es? Et mental jusqu'à 101 est-ce que, ans. Est-ce que tu l'es en bonne santé? Présentement, oui, mais jusqu'à 101 ans, à voir. OK, parfait. 101 ans, OK. Mais là, ben... ça, je l'ai écrit ça, ça fait un bout, puis je suis plus sûr que je vais jusqu'à 101 ans, là, bien, ah, okay. Bien honnêtement, c'est long un peu. 24-25, il commence par les mêmes verbes, mais je vais aller à 26, puis on va revenir à 25. C'est bon. 26, il est coché, c'est gagner un, puis il est déjà coché. Concours, je pense. Un concours? OK, parfait. On a gagné quelques-uns. Oh, ouais. Ouais, puis t'es quand même participé à Star Academy, c'est quand même big. Et là, 24, c'est aller surfer en, puis 25, c'est aller surfer au. Fait qu'on sent que t'aimes le surf. Costa Rica, Californie. Ah, OK. T'es jamais allé? Où t'as surfé dans ta vie? J'ai surfé sur le côté est, côte ouest plusieurs fois, mais je suis pas descendue jusqu'en Cali. Je me suis arrêtée, j'ai fait Oregon, Washington. Wow. Sinon, je suis allée au Mexique, au Salvador. As-tu des moves de surf, genre Kelly Slater, ou pas tant que ça? Ben ou... non, je fais juste le shakawa tout le temps. Là, oh, le petit, mais j'ai, le pas, move. J'ai pas de move, j'essaie de survivre. C'est pas mal ça, mon move. Et, mais c'est drôle. Mais... Fait que c'est ça, je voulais voir la bucket list, mais là, si, on, si je suis rendu à 26 sur ouais. Instagram, c'est qu'il y en a, il y en a sûrement beaucoup après, puis il y en a au moins une vingtaine avant. Oui, exactement, j'en ai comme 70-80. 80? Wow! Ben, je sais, ça m'en prend ce temps. Ça prendra une autre émission. Ouais, on les passera tous. Ouais, on les passera tous, on les fera la bucket list dans le réel. Spécial psychopop. Savoir les votes aussi. Spécial psychopop. Écoute, mais on, moi, les bucket list. Avez-vous ça, vous moi, c'est pour ça que ça m'a allumé, parce que mais j'en ai c'est une. Ça, toi, tu c'est pour ça que ça m'a allumé. Numéro 21, sauf que, c'est quoi? C'est quoi mon problème? C'est quoi? Moi, c'est, à chaque fois que je le dis, les gens font OK, mais c'est pas supposé d'être de même. C'est que moi, chaque fois que j'en ai une vingtaine, OK? Ouais. Chaque fois que j'en réussis un, je l'efface, puis je suis obligé de le remplacer par un autre. Comme pour que ma bucket list soit à l'infini. Mais tu peux-tu ne pas l'effacer, juste la cocher, puis en rajouter un autre? Ouais, je pourrais, hein. Ben c'est comprends. Quoi? C'est... Toi, tu fais comme une fille qui s'achète du linge puis qui revient à la maison qu'il faut qu'elle achète un vieux morceau pour pouvoir en acheter un nouveau pour pas en avoir un trop. C'est ça, même principe. Mais ben non, mais j'aime ça, c'est bien correct. C'est ça. OK. Mais numéro 20. Mais t'as quoi, mettons, sur Étienne, c'est ta bucket list? Je l'ai dans mon cellulaire. Nice! Pour vrai? Ouais, parle de quelque chose en attendant, je vais le sortir. Écoute, ben moi, je veux travailler à New York dans ma vie. OK. J'aimerais ça animer de quoi à New York, juste pour un show de télé, radio, un événement. Et je sais pas pourquoi ça représente pour moi le summum de la carrière. Moi, mon idole, c'est Jimmy Fallon. Ouais. Il y a ça en arrière de ça. J'aimerais ça. Je vais apprendre au moins deux ou trois autres langues. J'aimerais ça pouvoir, tu sais, anglais, français, aucun problème. T'es-tu déjà allé voir le show à Jimmy Fallon? Non, je suis sur la liste d'attente. Je suis sur c'est la liste d'attente. C'est combien de temps, c'est la liste d'attente? C'est un an et demi, la liste d'attente. Wow. Et comment ça fonctionne, c'est qu'ils t'appellent et ils te disent, c'est le ce 7 novembre. À telle heure, deux semaines avant, puis t'as pas le choix d'être là, puis si t'es pas là, ben, tu peux pas faire, ouais, non, je peux pas, faut que j'écoute. Non, c'est, si t'es pas là, tu retournes à la fin de la liste d'attente. Oh my God. Fait que je suis sur la liste d'attente depuis 7 mois. Techniquement, oui, oui. Il m'en reste pour une couple de mois, puis après ça, on boucle les billets d'avion, puis. Mais wow. c'est le plus grand show de télé sur la Terre pour moi. Il y a ça dans ma bucket list, ouais, apprendre d'autres langues, pouvoir, parce que je me sens mal d'aller dans d'autres pays des fois, puis de. Tu sais, je suis allé au Portugal il n'y a pas longtemps, j'aurais aimé ça parler portugais. Ouais. J'aurais aimé ça pouvoir converser avec eux autres. Puis je suis curieux assez pour apprendre ces langues-là, justement. Obrigado. Oui, obrigado. Obrigado. Ouais, ça je dis merci en portugais, c'est le seul mot que j'ai appris. C'est ça la Hey Max, ma bucket list, exemple, mettons, il y a des affaires un peu plus classiques comme avoir un enfant. Oui. Ça c'est un peu plus classique. Piloter un hélicoptère. Ah oui? Puis il y en a un. Piloter un hélicoptère. Oui, piloter un hélicoptère, j'aimerais ça. Il y en a un, je suis sûr que tu l'as aussi. Jouer au golf à Augusta. Oui! Ah oui! Oui, puis moi aussi, je l'ai. Non! Puis un de nos chums qu'on a en commun, qu'on déteste les deux, François-Étienne Corbin, l'a joué deux fois. Le petit maudit. Ouais. Alors, exactement. Alors, j'ai visité Paris, joué à le jeu NHL, le jeu vidéo, là, sur un écran IMAX. Écrire un livre et rencontrer Andréane Mallette. Boum! Ouais, et voilà, c'est caché. Check. Fait que je l'efface. Tu l'efface. Je l'efface. Je trouve ça très drôle. Hey, t'as amené ta guitare. Oui. Et ça, on l'apprécie toujours quand les artistes prennent le temps, quand vous venez à la radio, d'amener votre guitare et de. Puis il y a de quoi dans les performances live à la radio, ça sonne. Mal. Non. Non, j'aime ça. Moi, je me rappelle, tu nous avais fait fou ouais. à la radio l'an passé, puis c'est spécial. C'est spécial comme moment, puis on est bien content. Fait qu'on va te set-upper. Puis on, hey, moi, j'ai on une demande spéciale. Oui. Ben, à moi qui est peut-être pas prête, là, mais oui. La toune qu'elle a parlé tantôt, cœur. Mon cœur. Mon cœur. Puis elle a dit, c'était pas nécessairement ma préférée, puis maintenant celle-là. Est-ce que tu pourrais jouer elle? Ça se fait-tu? Ça se fait-tu? Ça se fait certain. Ouais? OK. Yeah! Une première. Malade. Ben, j'aime beaucoup la demande spéciale, Andréane. Est-ce que c'est accepté? C'est accepté. C'est on essaie. Accepté. Et puis là, sais-tu que c'est la première chanson qu'on va avoir à faire de gars? C'est la première fois que je la joue aussi, fait que c'est merveilleux. C'est un moment de première. Adrienne Amalette, Mon cœur. On écoute ça sur Affaire de gars. Pourquoi mais je t'aime sonne faux. Pourtant je crois que c'est la chose à dire. Je le désire plus qu'il ne faut. Je le vois partout dans mon avenir. Qu'est-ce que t'atteint mon cœur? Ma tête depuis longtemps elle est conquise. Qu'est-ce que t'atteint mon cœur? N'aie plus peur, celui-là, peu de chance qu'il te brise. J'ai dû associer par mes gardes amour et peine, célibat et bien-être. Je crois que je reste sur mes gardes. Car l'amour pur, je ne sais le reconnaître. Qu'est-ce que t'atteint mon cœur? Mon corps, depuis longtemps, il est comblé. Qu'est-ce que t'atteint mon cœur? Celui-là, peu de chance qu'il te fasse marcher. T'atteins mon cœur. Bien sûr, les fissures ne sont pas recollées. Mais justement, mon cœur, c'est par les fissures que la lumière peut entrer. Wow! Aïe, aïe, c'est vraiment... Puis tu voulais pas mettre ça sur l'album au début? Non, ben non, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose, mais là, avec les arrangements, elle est vraiment malade. Et on a vraiment de l'entendre. Merci. C'est, écoute, indépendamment de ce qui se passe cette année, t'es, pour moi, et Étienne, je pense, l'interprète féminine de l'année. À ce point-là? Ouais, ouais, ouais. Mais merci. Mais j'ai tellement hâte d'entendre cet album-là, ça sort dans les prochains jours. Y a-tu la fébrilité de l'album là, qui s'en vient? Qu'est-ce que t'en penses? Je suis stressée au bout. C'est vraiment, tu sais, souvent on dit que le deuxième album, c'est celui qui détermine si tu peux rester ou non dans l'industrie. Là. Ouais. Là, ça passe ou ça casse, habituellement, au deuxième album. Fait que c'est sûr qu'il y a un gros stress qui vient avec. En même temps, avec le succès de Fou dans les radios, ici et ailleurs, qui joue vraiment beaucoup aussi. Ouais. Ça baisse un peu mon stress, mais quand même. J'imagine. Et question, est-ce que tu vas aller à la disque? Ben certainement, je vais aller manger des mini burgers, ils sont super bons. Parce que t'as été beaucoup dans l'actualité par rapport à ça dans les dernières semaines. Oui. Veux pas, mais ça a fait beaucoup jaser. On a parlé de ta non-nomination. Ouais. Tu l'as décanté un peu, ça fait du temps. Ça fait quelques jours. Comment tu te sens maintenant à quelques jours de la disque? Ah, oh, super en paix, pour vrai. T'sais, les artistes qui sont en nomination méritent vraiment d'être là aussi. J'ai plein d'amis là-dedans. Je m'en vais les encourager. Je m'en vais faire le party avec eux autres. Je suis super en paix avec tout ça. La déception a été plutôt courte, bien honnêtement, surtout parce que j'ai reçu beaucoup, beaucoup de messages de gens, ben oui. de fans, mais aussi justement d'animateurs radio ou de gens de l'industrie qui étaient déçus. C'est un vol pour nous autres, c'est un ben vol. C'est ça, fait que j'ai reçu tellement d'amour, beaucoup plus en étant pas nommée que si j'avais été nommée probablement. Un aussi beau prix. Beau prix avoir tout reçu cet amour-là. C'est mieux encore, en fait, parce que c'est l'amour des gens, du public, du vrai monde et non pas des producteurs de disques. Puis comme j'ai pas de producteur de disques, ben ça m'offense pas tant. Ouais, puis au moins, ça te coûte moins cher de billets. T'as juste toi, puis t'amènes comme quatre personnes quand tu y vas tout seul, la productrice, l'entrepreneur, la chanteuse. Oui, c'est ça. Quatre en un, c'est moins cher, en effet. Hey, Andréane, merci tellement d'être passé. Oui, ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est un super moment. Puis c'était la première tourne, Colin, d'Affaires de Gars. C'est malin. Ouais. On va s'en souvenir longtemps. On a bien hâte d'avoir l'album. Puis nous autres, on va se retrouver la semaine prochaine. Yes, sir. Max Lalonde, merci d'avoir été là. Merci beaucoup, Étienne Dano. On vous souhaite une belle semaine et je propose qu'on se laisse sur un bout de Ici et ailleurs, qui est ton nouvel extrait. Absolument. Puis on vous invite à vous garocher sur... Comment s'appelle l'album? Andréane A. Mallette. Ah, Colin! C'est fou, hein? Le seul nom de l'album? Ben, je me disais, pourquoi pas. Ça me représente. Le brainstorm a été bien, bien long. Ouais, oui, en plus. Hey, Andréane, merci tellement. Merci, Étienne. Merci à toi, Max. Hey, merci, les gars. www.affairedegas.com. On se retrouve la semaine prochaine. Show de radio. C'était Max Lalonde et Étienne Dano. À la semaine prochaine. Tu veux jaser à Max Lalonde ou Étienne Dano? Rejoins-les sur Facebook. Hashtag ADG le show.